Peut-on dire qu'il existe des catastrophes culturelles comme il y a des catastrophes naturelles? C'est la question que nous allons poser pendant 4 jours dans la Fabrique de l'Histoire, un mois après la disparition du Musée National de Rio. Demain, nous nous interrogerons sur ce que signifie, à partir de l'exemple de la guerre en ex-Yougoslavie, la catégorie d'herbicide. Mercredi, nous nous intéresserons à la façon dont on parvient à dépasser la perte des monuments antiques par exemple. Et jeudi, notre documentaire tentera de faire revivre par les souvenirs de celles et ceux qui l'ont fréquenté, le Musée National de Rio, disparu, dont les collections ont disparu donc il y a un mois tout juste. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le grand plaisir de recevoir l'historienne Annie Sartre-Foria, spécialiste de la Syrie antique, tout juste de retour de New York, où elle est intervenue dans le cadre de la session annuelle de l'Organisation des Nations Unies, sur la destruction et la protection du patrimoine, mais également sur cette notion de catastrophe culturelle qu'elle avait utilisée en 2016 dans un article de la revue Anabase. Palmyre a été, dans tous les sens du mot, une ville intermédiaire. Elle est située à la limite entre la steppe herbeuse et le désert rocailleux. Elle marque l'extrême nord de la culture du palmier dattier. Enfin et surtout, elle contrôle les pistes qui convergent vers elle de la Syrie, de l'Arabie et de la région de l'Euphrate. En dépit d'une légende tenace, son nom n'a rien de commun avec celui du palmier. C'est un très vieux nom asianique qui, plus ou moins déformé, a donné Palmyre en grec et Tadmor ou Tatmour dans les langues sémitiques. Le site était bien pourvu d'eau, sinon en qualité, du moins en quantité. Aussi a-t-il été habité de très bonne heure. Dès le XXe siècle avant notre ère, Tadmor est mentionné sur une tablette cappadocienne. Nous ignorons l'origine de la première population. Il est possible qu'elle ait été cananéenne, c'est-à-dire apparentée aux Phéniciens et aux Hébreux. Bonjour Annie Sartre-Foria. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ouvrir cette série d'émissions consacrée à cette notion de catastrophe naturelle. On vient d'entendre un de vos lointains prédécesseurs dont malheureusement les archives ne nous ont pas donné le nom exact, qui en 1953 dans la radio nationale, sur la radio nationale, faisait une sorte de panorama de ce qu'était en 1953, après la Seconde Guerre mondiale, la ville de Palmyre. Ça a beaucoup changé entre 1953 et le moment où vous avez commencé à vous y intéresser, vous-même en tant que chercheuse et historienne? Alors oui, il y a des choses qui ont changé. Alors ce qui avait beaucoup changé, c'est ce qui s'était passé pendant le mandat de la France sur la Syrie, où là, un service des antiquités avait été mis en place et où des équipes d'archéologues ont mis en valeur le temple de Bel en débarrassant l'enceinte du temple du village qui était installé là depuis le XVIIe siècle et en fouillant, en restaurant ce temple qui avait été bien, enfin à peu près bien conservé puisqu'il avait été transformé en mosquée par les habitants du village et qu'ils donc ils en prenaient soin. Tel qu'il était intégré donc dans leur environnement. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé le paysage, ça, d'avoir déménagé le village pour en construire un nouveau à l'extérieur. C'était assez radical comme solution. C'était radical. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne ferait plus ça, parce que ce village, au fond, il avait aussi son histoire. Ah ouais. Et c'était un peu dommage de l'avoir évacué. Bon, c'est comme ça qu'on faisait à ce moment-là. Donc ça, ça a beaucoup changé le paysage de Palmyre. Et puis, lorsque la Syrie est devenue indépendante, à la fin du mandat, 1946, le service des antiquités syrien ont continué à mettre en valeur le site, avec d'abord seul, puis avec l'aide de missions archéologiques. Et il y a eu beaucoup de restaurations qui ont été faites, notamment le fameux tétrapile qui a été détruit par l'État islamique au mois de janvier 2017, avait été fortement restauré par justement les antiquités syriennes. On avait mis en valeur dans la grande colonnade l'existence d'un souk médiéval. On avait restauré un grand nombre de monuments pour donner à ce site, son aspect tel qu'on pouvait le voir à la veille de la guerre en 2011. Alors, ça veut dire aussi que ces découvertes avaient complexifié aussi le rapport que l'on pouvait avoir avec une cité comme celle de Palmyre. On avait posé de nouvelles questions, on avait trouvé de nouvelles, par l'intermédiaire des fouilles, de nouvelles traces d'occupation. Et on peut dire que d'une certaine façon, entre les voyageurs du XVIIIe siècle qui se cachaient pour pouvoir découvrir les merveilles de Palmyre, donc dans cette région, voyageurs occidentaux évidemment, la plupart du temps, ceux qui ont fait des récits de voyages dans ces années-là, Annie Sartre, eh bien, et aujourd'hui, il y avait effectivement une autre vision de ce qu'était la ville de Palmyre. Oui, de toute façon, toutes les recherches archéologiques qui ont été faites à Palmyre ont apporté leur contribution à la connaissance de l'histoire de ce site. Bon, on sait maintenant que c'est pas du tout une ville qui a jailli des sables comme cela. Ce qu'on pensait à une époque. Ce qu'on pensait encore récemment, hein, parce que au moment de la destruction de Palmyre, on a quand même eu toutes sortes de littérature qui n'était pas toujours très à jour et au point. Et on a lu chez certains grands noms que Palmyre, comme Saint-Pétersbourg, était sorti des marécages de la Syrie, de la Russie. Palmyre était sorti du sable. Pas du tout. C'est une ville qui est extrêmement ancienne. Multimillénaire, même. Absolument. On sait déjà qu'il y a une occupation déjà à l'époque préhistorique. Bon, alors évidemment, elle est très très mal documentée, mais au moins, on sait qu'au deuxième millénaire, il y a une cité qui existe. Elle est d'ailleurs sous le temple de Bel, et elle est connue par des tablettes, par des lettres auprès des royaumes qui étaient en Syrie. Et comme disait tout à l'heure la personne qu'on a entendue, jusqu'en Cappadoce, où l'on a des tablettes où le nom de Tadmore est documenté. Donc, on a pu mettre en place beaucoup de connaissances nouvelles, grâce aussi aux inscriptions, parce que Palmyre est quand même connu pour avoir conservé de très nombreuses inscriptions gravées sur les colonnes, sur les consoles des colonnes où l'on plaçait des statues des personnages honorés par la cité, sur les monuments eux-mêmes, sur les monuments funéraires, sur les monuments civils, etc. Donc, on a beaucoup progressé dans la connaissance de ce qu'était cette cité, surtout à l'époque romaine, parce que c'est vrai que toutes les périodes antérieures, pour l'instant, restent assez mal connues. D'abord parce que on pouvait pas faire des fouilles sous le temple de Bel. Maintenant qu'il est détruit, peut-être que ça va être une opportunité pour aller voir ce qui se passe dessous, retrouver le village du deuxième millénaire, retrouver le temple de l'époque hellénistique qui avait précédé celui qui a été détruit. Et puis que l'on pourra aussi continuer à faire des fouilles dans la partie sud de Palmyre, au-delà du Wadi, où les Allemands et les Syriens avaient commencé à mettre au jour la ville du 3e siècle avant notre ère, qui a été encore occupée jusqu'au 3e siècle après, et qui était, ces fouilles étaient fort prometteuses pour retrouver donc des périodes antérieures à ce que l'on avait l'habitude de voir à Palmyre. Parce que ce qu'on voyait, c'était la ville romaine, donc la ville du 1er au 3e siècle. Fin du 1er siècle avant, 3e siècle après, avec les prolongations ensuite, 4e, 5e siècle, des églises, etc. Mais tout ce qui est antérieur est très mal connu. Mais on a quand même beaucoup progressé par les fouilles qui ont été faites, par des équipes internationales. Des missions de Nantes partout, oui. Polonaises, danoises, suisses, oui. Allemandes, françaises, japonaises, etc. Les Polonais ont fait beaucoup de choses à Palmyre. Ils ont fouillé le camp Dioclétien, ils ont fouillé le temple d'Alat, ils ont mis en valeur les églises, justement, qui étaient le long de la grande colonnade. Ils ont, les Japonais, dans les fouilles, les missions les plus récentes, ont mis en valeur des hypogées, des tombeaux souterrains qu'ils avaient superbement restaurés et qui sont aujourd'hui complètement détruits. Il y avait des Américains, des Suisses, des Français, enfin vraiment des équipes de partout, sauf des Russes. Oui, on y reviendra justement sur le fait qu'il n'y avait pas de Russes, mais qu'il y en aura peut-être, dans l'avenir avec vous, Annie Sartre-Fauria. Si on essaye de comprendre quel était le rôle de cette ville et comment elle est devenue une sorte de ville rêvée pour les Européens du XVIIIe et du XIXe siècle. Le rôle réel de Palmyre, vous le tracez dans votre livre avec Maurice Sartre, donc Palmyre, vérité Et Légende, c'était il y a 2 ans chez Perrin, et vous étiez venu pour en parler à la Fabrique de l'Histoire. Ce rôle de Palmyre tient à un emplacement géographique, au fait que ça soit une oasis, que ça soit sur une route de caravane. Qu'est-ce qui justifie l'importance d'une ville aussi grande? Alors, ça tient effectivement à sa situation géographique. Palmyre est située à peu près à mi-chemin entre la Méditerranée et l'Euphrate. Donc, de tout temps, les Palmyréniens ont dû se livrer à un certain nombre de trafic, de transport, puisque dans les tablettes dont on parlait tout à l'heure, on les signale justement comme des marchands, comme des brigands aussi. Bon, ça, on peut en parler éventuellement, mais ils ont déjà apparemment une situation économique intéressante. Et on sait, alors, il y a des périodes extrêmement obscures où on ne sait pas évidemment ce qui s'y passe, mais on sait que à la fin du, enfin au milieu du 1er siècle avant, Palmyre est déjà extrêmement riche. C'est déjà une cité très riche puisque Antoine, le triumvir Antoine, qui a besoin de faire du butin, va lancer un raid sur Palmyre. Donc forcément, il savait qu'il devait y avoir là quelque chose d'intéressant. Alors les Palmyréniens avaient été prévenus à l'avance. Ils avaient réussi à cacher tout ce qu'ils avaient et à filer en direction de l'Euphrate. Mais donc il y a bien là la trace d'une réelle puissance économique intéressante. Alors, il se livre. Alors ça, on le sait pour les périodes suivantes, puisque effectivement, lorsque Palmyre va entrer dans l'Empire romain, au 1er siècle, donc on ne sait pas si aux alentours de 19 de notre ère. Oui, 17 probablement. 17 oui, ils sont incorporés dans l'Empire romain. Jusqu'à présent, ils étaient en dehors de l'Empire. Ils vont profiter de cela pour accroître leur puissance économique et devenir le truchement. Et viennent les intermédiaires du commerce entre le Golfe Persique. Et au-delà, parce qu'on sait qu'ils vont en Inde chercher des épices, chercher des pierres précieuses, etc. On peut aller jusqu'en Bactriane aussi, oui, du côté récupèrent, du voilà, alors actuel. Il y a beaucoup de marchandises qui descendent sur le golfe Persique dont ils prennent livraison. Ils vont eux-mêmes en chercher, ils ont des bateaux. Ils vont jusqu'en Inde, jusqu'en le golfe du Bengale. Et ils sont les intermédiaires d'un trafic que les Romains ne peuvent pas assurer eux-mêmes, parce que traverser le désert, ça demande des compétences. Il faut connaître les pistes, il faut connaître les points d'eau, il faut avoir les chameaux pour pouvoir traverser le désert. Il faut entretenir des relations avec les tribus de Bédouins et ensuite avec les roitelets ou les princes qui sont dans le golfe Persique. Il faut entretenir des relations aussi avec l'empereur, enfin celui de l'empire sassanide et au-delà des Parthes, auparavant des Parthes. Donc ça nécessite d'avoir vraiment des contacts, des relations, une bonne connaissance du désert et de la situation géopolitique de la région. Et ce sont eux qui vont effectivement servir d'intermédiaire et en tirer des profits très importants. Alors évidemment, on a en tête la fameuse reine Zénobie sur laquelle on s'est beaucoup fourvoyé, on a inventé beaucoup de choses au 19e siècle. Oui, parce que Zénobie, elle est connue depuis toujours, on va dire, parce que vous parliez tout à l'heure des voyageurs. De fait, les voyageurs sont venus à Palmyre parce qu'ils savaient que cette ville existait. Ils savaient qu'elle avait eu un brillant passé. Ils avaient tous entendu parler de Zénobie par l'intermédiaire de l'Histoire Auguste, qui fait une série de biographies d'empereurs ayant régné sur Rome et ou sur l'Empire, enfin sur l'Empire romain. Et Zénobie et son mari sont décrits, on en parle dans l'Histoire Auguste. Donc tous les voyageurs connaissent Zénobie, tous les voyageurs connaissent l'épopée du 3e siècle, et ils sont curieux de venir voir à quoi ça ressemble. Et paf, vous êtes là avec Maurice Sartre pour nous dire que ça n'était pas la reine de Palmyre, mais c'était... Non, parce que Palmyre n'a jamais été un royaume. Voilà. Palmyre était une cité au départ, et au 3e siècle, Zénobie, on l'appelle la reine parce qu'elle est la femme du roi, mais d'Odainat. Du roi d'Odainat, mais Odainat n'est pas roi non plus. Il a usurpé le titre de roi des rois Perse. Et donc, Perse. Il est devenu habituel de l'appeler roi, mais il n'y a jamais eu vraiment de royaume. Quand Odeinat est à Palmyre et quand Zénobie est à Palmyre, les institutions de la cité continuent à fonctionner comme elles ont fonctionné avant. Et ce sont des institutions voilà, alors romaines. Elle est reine à Palmyre, mais pas de Palmyre. Oui, voilà. On est au milieu du IIIe siècle. On est au IIIe siècle, dans une situation très troublée de l'Empire romain, où effectivement, tout le monde peut se penser capable de diriger l'Empire. Pourquoi pas elle? D'ailleurs, il y en a eu d'autres venus d'Orient qui ont fait la même chose. Et puis, c'est une période où les empereurs se succèdent à très grande vitesse, sont assassinés par leurs troupes dès qu'ils ont perdu une bataille, on en proclame un autre, etc. Et comme elle, en plus, elle a remporté des victoires militaires, elle a mis la main sur une grande partie des provinces d'Orient, bah, elle voit pas pourquoi elle deviendrait pas impératrice à son tour, avec son fils. Voilà, c'est... Et sa légende perdure, et d'où jusqu'à, la légende, perdure jusqu'à aujourd'hui, voilà. Puisque Fayrouz a consacré en 1977 oui. Un de ses titres à Zénobie. Zénobia ! Zénobia ! خمس سنين حكمت زنوبيا بنية حضارة فارت على روما خمس سنين يا غفلة سريعة يا خمس سنين خمس سنين Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Annie Sartre-Fauria, un programme qui pendant 4 jours va s'interroger sur la notion de catastrophe culturelle. Qu'est-ce qu'une catastrophe culturelle? Est-ce semblable à une catastrophe naturelle? Et quand on voit disparaître une partie du patrimoine, eh bien, est-ce que justement il y a une possibilité pour combler ce manque? Ça sera une des parties de notre série de 4 émissions. Et aujourd'hui, nous parlons de Palmyre et plus largement de la Syrie, 3 ans après le début de l'intervention russe en Syrie, et Palmyre évidemment est un des cœurs de cette intervention, on le sait, prise et reprise plusieurs fois pendant plusieurs années. Annie Sartre-Fauria. Oui, c'est-à-dire que Palmyre a été prise une première fois par l'État islamique en 2015, mais il faudrait pas oublier que si les destructions de l'État islamique ont été extraordinaires, hein, effectivement, ils ont rasé complètement un certain nombre de monuments en les faisant sauter avec du TNT, mais Palmyre avait déjà beaucoup souffert depuis le début de la guerre en 2011, puisque l'armée syrienne s'était installée dans le site et avait occupé la citadelle qui dominait le site et tirait sur tout ce qui bougeait. Et donc, c'était donc devenu une cible, pourrait-on dire, pour les adversaires de l'armée syrienne. Parce que la ville de Palmyre s'est révolté aussi, donc il y a eu des manifestations. Du coup, l'armée du régime est intervenue. Et il y avait un camp d'internement aussi. Alors ça, c'était déjà bien avant bien encore. Avant. Oui, bien sûr, la fameuse prison de Palmyre où les prisonniers politiques étaient détenus dans des conditions absolument abominables. Et entre 2011 et 2015, l'armée syrienne avait déjà fortement abîmé le site en tirant des roquettes, des obus, en traçant des routes stratégiques dans la nécropole nord, en enterrant des engins militaires, en faisant des trous partout. Et tout cela a donné lieu évidemment à des destructions déjà extrêmement graves du point de vue du patrimoine. Oui, elles étaient d'ailleurs plutôt moins visibles que les destructions qui ont eu lieu bien plus sûr. Tard, parce qu'elles n'ont pas été médiatisées de la même manière. Absolument. Non plus. Et puis, il faudrait aussi ne pas oublier que Palmyre, bien sûr, c'est une catastrophe culturelle, mais toute la Syrie est victime d'une catastrophe culturelle. Tous les sites archéologiques et historiques de Syrie sont ravagés par les pillages, par la guerre. Voilà. On va y venir avec vous. On écoute déjà un écho de ces interventions militaires de 2015. C'était dans les journaux de France Inter. Palmyre est donc tombée aux mains du groupe État islamique. Cette ville, située à 240 km au nord-est de la capitale syrienne, était le théâtre d'un combat acharné depuis plusieurs jours entre l'armée régulière de Bachar el-Assad et les djihadistes de l'État islamique. Des centaines de statues ont été enlevées et mises en lieu sûr par le service des antiquités syriennes, mais le musée et les principaux monuments restent menacés. Et à Paris, la présidente de l'UNESCO lance un appel pour que cessent immédiatement les combats et que le patrimoine culturel unique de Palmyre soit mis à l'abri. On a appris hier qu'un des temples les plus importants de la cité antique de Palmyre avait été dynamité. Un bâtiment érigé il y a plus de 2000 ans en l'honneur du dieu solaire Baal Shamin. L'UNESCO dénonce un crime de guerre. Voilà, extrait de plusieurs journaux de France Inter, centrés sur les destructions culturelles du site de Palmyre. Il faut tout de même, et vous faites partie avec Maurice Sartre de ceux et de celles, Annie Sartre-Foria, qui, disons, nuance non pas les destructions qui ont été commises par Daesh, elles ont vraiment été commises par l'État islamique, mais qui disent, eh bien, il faut aussi penser que tous les belligérants ont profité à leur manière de ce site de Palmyre. Ce musée, juste avant l'arrivée de l'État islamique, il était dans quel état avant l'arrivée des troupes de Daesh? Alors, on savait pas très bien ce qui se passait dans le musée. Là, le journaliste parle de la mise à l'abri de tout ce qu'il y avait dans le musée. C'est largement faux. C'est-à-dire qu'il a été victime probablement d'informations qui avaient été transmises par la direction générale des antiquités, parce que lorsque le site, alors faisons un peu de chronologie, l'EI est arrivé en mai 2015 à Palmyre. Les premières destructions ont eu lieu en août de la même année. Puis l'armée syrienne, avec l'aide des Russes, a repris le site en mars 2016. Puis l'EI est revenu en décembre 2016 parce que les Russes et les Syriens ont quitté le site pour aller bombarder Alep à ce moment-là, en décembre 2016. Donc l'EI, qui campait aux alentours de Palmyre, qui avait jamais été réellement chassé de la région, sont revenus, ils ont refait une deuxième série de destructions. Et c'est lorsque lors de la première reprise de Palmyre en 2016, que il y a eu des bombardements, il y a eu des combats pour la reprise du site, et que là, quand ils ont ouvert le musée, ils se sont aperçus que tout était cassé et saccagé dans le musée et que rien n'avait été évacué. C'est-à-dire que en fait, même admettons que l'on n'ait pas pu enlever les grosses pièces extrêmement lourdes. Par exemple, on a connu ça par exemple à Beyrouth, où le conservateur du musée de Beyrouth avait eu cette idée qui pouvait paraître farfelue à l'époque pendant la guerre civile au Liban, de mettre les grosses pièces qui ne pouvaient pas être bougées dans des sortes de sarcophages de béton qui ont été ensuite cassés. Ils avaient fait un faux mur dans le musée et ils avaient mis toutes les statues derrière. Voilà. Ça a permis évidemment qu'on puisse retrouver ces œuvres-là. À Palmyre, rien n'avait été fait. Tout était saccagé, y compris les petites choses. C'est-à-dire qu'on a vu les vitrines où étaient exposés les textiles, où il y avait les stucs, où il y avait les petits objets. Rien n'avait été emballé. Et tout a été cassé à la masse par l'État islamique. Bon, il y a eu les dégâts aussi des bombardements au moment de la reprise du musée. Mais tout avait été saccagé. Le lion d'Alat qui était devant la façade avait été renversé. Tous les bustes funéraires étaient martelés, tous les sarcophages, toutes les statues étaient renversées, les momies, les quelques momies qui étaient exposées dans le musée, l'État islamique les avait sorties et les avait écrasées avec des camions. Bon, donc, on a vu la preuve que rien n'avait été déplacé, rien n'avait été emballé. Alors depuis, ça a été fait. Tout est parti à Damas, où des restaurations commencent à être faites. Mais la catastrophe culturelle, elle n'était pas seulement dans les monument, elle était aussi dans le défaut de protection. Oui, et dans un journal de 2016, le grand spécialiste de la Syrie contemporaine, qui est Jean-Pierre Perrin, était interrogé par Nicolas Demorand sur les buts, selon lui, de l'État islamique dans cette façon, justement, de s'attaquer au patrimoine culturel de ce pays. Ce qui se passe effectivement à Alep, c'est un urbicide, c'est-à-dire qu'on tue une ville comme on tue un homme. Voilà. Alors les Syriens, le régime syrien est familier de l'urbicide, puisqu'il avait commencé déjà sous le père avec l'urbicide de Hama, 20-25 000 morts en 1982. Il a recommencé avec Homs, et puis aujourd'hui, c'est au tour d'Alep. Alors, avec un enjeu encore plus important, parce que la ville est une très grande ville. C'est notre religion. On ne va plus à l'église, ou plus beaucoup, on ne va plus beaucoup dans d'autres lieux de culte, je ne vais pas les citer tous. Donc le musée, en revanche, on y va. On va pendant nos vacances à Naples, on va voir Pompéi. Quand on va en Sicile, on va à Syracuse, etc. Donc les ruines ont remplacé un petit peu le lieu de culte. Je pense que les djihadistes en sont parfaitement conscients. Et donc en s'attaquant à ces sites, ils s'attaquent en quelque sorte à notre religion. Il y a un côté guerre de religion qui s'applique au musée. C'était en 2016, le 15 décembre 2016, sur France Inter, Nicolas Demorand interrogeait le grand reporter Jean-Pierre Perrin qui évoquait les destructions qui n'ont pas touché, vous l'avez dit tout à l'heure, Annie Sartre-Foria, que la ville de Palmyre, Alep, mais également Bosra, mais également Apamée. Marie, Doura, Ropos, enfin tous les grands Apamée, tous les grands sites ont été soit bombardés, soit détruits par des dommages collatéraux, on va dire, de la guerre, soit volontairement, parce qu'il y a des destructions volontaires, bon, celle de l'État islamique, mais le régime syrien s'est aussi livré à des destructions volontaires. On n'en parle pas, mais le musée des mosaïques de Maharet en Noman a été volontairement bombardé, sans enjeu militaire. Donc là, il y avait une volonté de punir la population qui était rebelle, en la privant de son musée, alors que justement, la population avait tout fait pour le préserver. Donc, on est face à des actes, des logiques politiques, des logiques qui n'ont rien à voir finalement avec la nécessité de. On aurait dû attendre que le régime syrien protège davantage les sites, surtout ceux qui étaient, entre autres ceux qui étaient classés au patrimoine mondial par l'UNESCO. Or, rien n'avait été prévu avant la guerre, rien n'a été fait pendant, rien n'est fait depuis. D'ailleurs, et quand on parle de catastrophe culturelle, tout à l'heure je disais qu'effectivement la destruction des monuments, c'est une catastrophe culturelle, mais on est face aussi à une catastrophe culturelle à travers tous les pillages dont la Syrie est victime. C'est-à-dire que le site de Palmyre et tous les autres sont ravagés par les pillages organisés, soit par la population, soit par des mafias qui rachètent les pièces pour les revendre ensuite sur le marché international. Dans les différents marchés internationaux. Personnellement, j'aimerais bien aller faire un tour sur le port franc de Genève, parce qu'il doit y avoir beaucoup de choses très très intéressantes qui sont stockées là, en attendant des jours meilleurs pour pouvoir les revendre. Le port franc de Genève est un des hauts lieux de l'échange artistique, pourrait-on dire. Il y en a d'autres. Et donc, c'est là peut-être dans certains de ces coffres-forts qu'on pourrait trouver quelque chose. Ce qui est très grave aussi, ce sont les petits, tous ces petits objets qui disparaissent, et qui sont vendus par des individus. Il suffit d'aller faire un tour sur Facebook et de se brancher sur certains sites d'individus qui d'ailleurs se cachent sous des pseudos ou d'autres noms et qui vous proposent d'acheter toutes sortes d'objets qui viennent de Syrie à l'évidence. Alors, il y a une expo qui vient d'ouvrir ces temps-ci à Paris sur le Krach des Chevaliers. Ça fait partie aussi de ces lieux qui ont été terriblement abîmés par la guerre. Cette notion de catastrophe culturelle que vous utilisez, certains pourraient entendre une catastrophe qui serait, pourrait-on dire, presque métaphorique, à savoir c'est une catastrophe que de voir disparaître une culture ou une civilisation. Là, c'est autre chose, ce sont des véritables objets, la mémoire d'un pays qui disparaît. Vous le citiez tout à l'heure, par l'intermédiaire aussi de ces fouilles clandestines. On le sait comment qu'il y a des fouilles clandestines, Annie Sartre-Foria. On retrouve les objets sur les différents marchés du Proche-Orient. Ça part dans le Golfe, ça part au Liban, où il y a eu déjà des saisies. Ça part en Europe, aux États-Unis. Et on traque ceci assez facilement. Enfin, Interpol est parfaitement sur le coup. Il y a à l'UNESCO des gens qui s'occupent aussi de récupérer les informations sur ces objets qui apparaissent de temps en temps sur le marché de l'art. Et puis, encore une fois, il y a tout ce qui est clandestin et qu'on retrouve de façon... Quand les gens traquent ce type de trafic, c'est assez facile de les repérer. Vous étiez donc, je l'ai dit en ouverture de cette émission, il y a 3 jours encore, lors de la session annuelle de l'ONU, donc à l'invitation de l'UNESCO, dans une grande conférence discussion. Je précise, j'étais pas à l'ONU. Non. J'étais pas invitée par... Non, mais c'était au moment de... Oui, voilà. La New York Public Library de New York a profité de l'ouverture de la session de l'ONU, de la présence de Madame Azoulay, donc qui est directrice maintenant de l'UNESCO, qui est d'ailleurs venue à notre symposium pour faire une rencontre entre différents personnes qui connaissent bien le Proche-Orient et qui étaient conviées à parler des actions faites pour préserver le patrimoine. Alors, le patrimoine qui est dans les musées, le patrimoine qui est dans les fondations, le patrimoine qui est dans les bibliothèques, etc., pour voir comment œuvrer à diffuser la connaissance de ce patrimoine. Donc j'étais là avec des prêtres irakiens qui restaurent des manuscrits de Mossoul, notamment, avec des gens qui... avec la Bibliothèque nationale de France, qui était partenaire également de la manifestation, travaille à la diffusion de cette documentation sur l'Orient, sur les différentes villes d'Orient, etc. Et donc, moi, j'ai été amenée à parler justement de ce qui se passait à Palmyre et de ce qu'il faut faire et pas faire. Oui, alors justement, c'est une question intéressante, cette notion de catastrophe culturelle, quand vous en discutez, puisque vous l'avez utilisée au moins une fois dans un de vos articles savants, dans la revue Anabas, c'était en 2016. Elle recouvre quoi, cette notion de catastrophe culturelle? C'est de voir disparaître quelque chose qui a été accumulé par le temps? Comment peut-on la qualifier, Annie Sartre-Faurien? C'est une catastrophe culturelle à divers niveaux. C'est une catastrophe culturelle pour la Syrie elle-même, qui possédait des milliers de sites qui étaient tous extrêmement importants, parce que la Syrie a été un carrefour de passage de différentes civilisations, différents types de civilisations et qui ont toutes laissé leurs traces, alors plus ou moins visibles évidemment, mais on est là dans un pays où on avait une richesse historique, une richesse culturelle tout à fait remarquable, et tout cela est en train de disparaître en quelques années de façon radicale. Alors ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les Syriens qui quand même tirait profit un peu de ce patrimoine culturel, qui était fier de ce patrimoine pour un certain nombre d'entre eux. C'est une catastrophe culturelle pour tout le monde, pour les chercheurs, parce que on est en train de nous priver effectivement d'un certain nombre de documents qui permettraient de développer, d'aller plus loin dans la connaissance de l'histoire de ce pays. C'est une catastrophe à tout point de vue, parce que qu'est-ce qu'on va retrouver après la guerre? Si on prend l'exemple de Palmyre, qu'est-ce qu'on va retrouver à Palmyre après les allées et venues des engins militaires avec, on parlait tout à l'heure de la nécropole nord où l'armée syrienne s'était installée. Maintenant, c'est les Russes qui sont installés là avec un immense camp, une piste d'atterrissage d'hélicoptères bétonnés, des engins militaires qui vont et qui viennent, des bâtiments qu'ils ont construits, etc. Qu'est-ce qu'on va retrouver de cette nécropole, par exemple? Et on le sait, pour avoir déjà vu l'exemple de l'armée américaine s'installant aux alentours de Babylone. Dans Babylone, passant sur la rue avec les briques qui étaient extrêmement fragiles, avec les automitrailleuses. Enfin, l'armée a des logiques qui ne sont pas celles des savants. Hein. On peut comprendre, d'autant que 80% du site de Palmyre, dites-vous, et c'est ce que disent les spécialistes, n'a pas été fouillé avant 2011. Absolument. Donc il y a donc 80% de ce site à découvrir. Ce que l'on a vu, c'est ce qui était debout, voilà, ce qui était debout. Ce qui était hors du sol, voilà. Qui était construit, oui. Mais il reste à découvrir beaucoup de choses. Oui, enfin, il reste à découvrir ce qu'on va bien nous laisser découvrir. Mmh. Parce que on sait certaines choses, mais on ne sait pas tout. De toute façon, le site de Palmyre actuellement est pratiquement inaccessible. D'abord à cause des mines dont on fait... On ne peut pas aller dans certains secteurs. Par exemple, moi, j'ai encore jamais vu de photographie précise des tours funéraires. Mmh. On nous a beaucoup parlé des temples. On a quelques photos des hypogées, des tombeaux, de certains tombeaux souterrains. Mais par exemple, et 7 tours funéraires qui ont été détruites, moi, je n'ai encore pas vu le moindre document de leur destruction. Alors, il faut expliquer en quoi ces tours funéraires faisaient partie d'un patrimoine commun de l'humanité. C'était des tours donc, qui étaient placées dans un endroit très précis du site de Palmyre, côte à côte. Alors, il y avait plusieurs choses. Il y en avait dans des nécropoles qui entouraient la ville. Et puis, celles qui étaient... Alors, il y en avait deux qui étaient bien connues, qui étaient dans la nécropole ouest, dans la partie qui était située le long de la route, qui autrefois conduisait en direction des Mèzes, Homs aujourd'hui. Et puis, il y avait surtout ces tours extrêmement fascinantes qui étaient sur la butte de Belkis, qui dominait la ville, où les familles les plus en vue de l'oasis, les plus riches, avaient tenu à faire construire leur tombeau pour qu'il soit bien visible, pour qu'ils passent, que tout le monde les voit. Et là, on avait une dizaine de tours funéraires dont plusieurs étaient encore très bien conservées ou avaient été restaurées et qui ont littéralement été pulvérisées par les explosions. Et donc, ces tours funéraires avaient la particularité de loger, pourrait-on dire. Ah oui, jusqu'à 300 défunts, puisque c'était conçu pour abriter des familles au sens large, hein, des tribus en quelque sorte familiales, des clans familiaux. Et il y avait 5 étages de sépultures qui étaient ménagées dans les parois de ces tours. Et vous êtes vous-même spécialiste en tant qu'historienne, Annie Sartre-Fauria, des questions funéraires, oui, justement. Et on peut dire que ce site de Palmyre avait cette richesse-là d'avoir 4 nécropoles. Je crois, c'est cela. Oui, il y avait des nécropoles aux 4 coins de la ville, tout autour de la ville, et puis cette fameuse butte de Belkis, et ces tours funéraires, on en a dans d'autres sites. Hein. Il y en a à Doura Europos, il y en a à l'Abillé, qui est un site sur le Frat, mais elles étaient beaucoup moins bien conservées que celles de Palmyre. Mais ce sont des monuments funéraires tout à fait exceptionnels, tout à fait originaux, tout à fait typiques de cette région. Et puis, ces nécropoles qui avaient fouillé en partie les missions japonaises et restauré les missions japonaises. Alors là, on le sait grâce à une association qui s'appelle l'APSA, l'Association pour la protection de l'archéologie syrienne, qui a œuvré pendant plusieurs années pour documenter quand c'était possible les destructions de Palmyre, mais d'autres destructions aussi en Syrie, et qui a bien noté, effectivement, par des photographies qui ne font pas de doute, que ces nécropoles enterrés, donc, avaient vu une partie de leur mobilier funéraire, en particulier Les bustes. Les bustes funéraires, c'est ce qui intéresse en premier lieu. C'est drôle parce que au XVIIIe siècle, quand les voyageurs viennent, c'est pas ça qui les intéresse. Eux, ils cherchent les momies. Ils veulent tous trouver des momies ou ramener des morceaux de momies. Les bustes funéraires, ça commence à intéresser les collectionneurs à partir du milieu du XIXe siècle. Et là, on voit des rabatteurs, en fait, qui sont à Beyrouth, qui sont au Caire, qui sont à Constantinople et qui achètent ou qui volent les bustes funéraires pour les vendre à des collectionneurs. Alors, il faut dire que ces bustes funéraires sont effectivement très variés, représentent souvent une famille ou un dignitaire avec sa famille, et ils sont tout à fait semblables dans un tout autre genre, puisqu'ils sont en pierre des portraits du Fayoum, par exemple. On voit les morts, d'une certaine façon, présents dans ces nécropoles. Alors, en fait, ce sont des plaques de calcaire qui obturaient la sépulture, parce que les sépultures étaient ménagées perpendiculairement au mur des parois des tours ou des hypogées, et on bouchait l'orifice avec une plaque où il y avait le portrait, le buste des personnes enterrées dedans. Alors, on a des bustes d'hommes, de femmes, de femmes avec des enfants, des familles entières. Quand il s'agit de sarcophages, sur lesquels les couvercles étaient représentaient la famille, entière. Entière, dans ses beaux atours, etc. Et tout cela intéresse beaucoup les collectionneurs, évidemment. Alors, il y en a dans tous les musées, mais il y en a aussi chez des particuliers. نظرات عيونك صوبت قلبي نظرات عيونك صوبت قلبي يا بعد روحي ردتشني صيبي يا بعد روحي ردتشني صيبي هي هي ساوي القلب حبك شريد اساوي القلب حبك خذيتي عقلي اموت بربك خذيتي عقلي اموت بربك هي Omar Souleyman, un morceau d'électro qui modernise la dabke, le style dansant de la région de Palmyre, qui est au cœur de notre émission avec vous, Annie Sarf-Foria, pour évoquer cette question des catastrophes culturelles. Une des dimensions, pourrait-on dire, de cette catastrophe culturelle qui touche la Syrie depuis le déclenchement donc des émeutes et puis ensuite de la guerre en Syrie à partir de 2011, c'est peut-être le désintérêt de beaucoup d'Européens vis-à-vis de ce qui se passe. Vous l'avez vécu vous-même en vivant dans la première partie de ce conflit déjà sur place, Annie Sarf-Foria avec Maurice Sarthe. Le désintérêt pour le nombre de morts, on sait que c'est 350 000 au moins, dit-on. Oui. Et le désintérêt aussi pour cette catastrophe culturelle en cours qui voit la destruction de la plupart du patrimoine remarquable de ce très grand pays qui était la Syrie. Vous dites en fait, dans cet article d'Anabas, tout vestige du passé dans un pays, quel qu'il soit, est un témoin d'un moment de l'humanité. Le nier, c'est se nier soi-même. C'est-à-dire, c'est cette idée que on se dit, ben voilà, c'est chez eux, ça n'est pas chez nous et oui, ça n'a pas d'importance. Oui, mais c'est vrai que bon, on est habitué à la disparition depuis la nuit des temps des monuments et des témoignages du passé. Hein. Palmyre, c'est le plus récent. Mais je dois dire quand même que Palmyre a suscité une émotion assez universelle. On en a moins fait pour les autres sites de Syrie. La destruction d'Alep, mais, pourtant, voilà, quand même. Mais c'est vrai que Palmyre, je me souviens que lorsque les deux temples ont été détruits, en août 2015, et quand l'État islamique est arrivé à Palmyre, Maurice et moi, on a passé notre temps au téléphone, je me souviens, au moment des vacances de Pâques 2016, pour expliquer pourquoi c'était si grave, qu'est-ce qui allait se passer, etc. Enfin, et on a eu des interviews dans le monde entier, de journaux, de télévision, de l'Australie au Chili, en passant par les États-Unis et ailleurs. Et il y a eu quand même un très grand intérêt pour cette catastrophe. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé que tout cela prenne un peu plus d'ampleur aussi vis-à-vis de la catastrophe humanitaire dont les Syriens sont victimes. Oui, parce qu'on vous dit, bah oui, c'est bien, on comprend bien, le patrimoine c'est terrible, oui, mais il y a d'abord la mort des humains. Et donc effectivement, on sépare souvent mort des humains, catastrophe humanitaire, oui, et mort des bâtiments ou mort de la mémoire, des Lenda Memoriae, de cet espace géographique-là. Et au bout du compte, effectivement, on se dit, ben, pourquoi ne pas privilégier les hommes plutôt que les bâtiments? Mais de toute façon, ça ne se passe pas sur le même plan. Et puis, de toute façon, l'un va avec l'autre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La destruction de ce patrimoine en Syrie, c'est aussi une autre mort de la Syrie et des Syriens. On les prive complètement d'une richesse culturelle qu'ils avaient dans leur pays. en détruisant complètement ces monuments. Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant, ou qu'est-ce qui va peut-être se passer maintenant que les Russes ont aidé les Syriens à reconquérir certains de ces sites et la quasi-totalité du territoire qui était auparavant occupé par l'État islamique? Qu'est-ce qui va se passer de tous ces bâtiments? Moi, je vais vous dire, c'est la troisième catastrophe culturelle qui s'annonce, parce que actuellement, on sait que les Syriens et les Russes viennent de signer une sorte de protocole à Saint-Pétersbourg, donnant aux Russes la possibilité unique de restaurer Palmyre. Ils ont créé une fondation pour la restauration et la reconstruction de Palmyre. Alors, restauration, à la limite, on veut bien, mais comment, avec quoi, etc. Reconstruction, alors ça, c'est quelque chose qui sera catastrophique, parce que qu'est-ce qu'on va reconstruire? On va reconstruire à neuf le temple de Bel, avec des matériaux coupés à la scie mécanique. Est-ce qu'on va reconstituer tout ce qui faisait l'âme de ce monument, qui était une église, un temple païen, puis une église, puis une mosquée, qui avait des vestiges de tout cela dans ces murs. On va reconstituer les belles poutres historiées qui étaient devant le temple et qui étaient quasiment les seuls témoignages de ce que pouvaient être les rites religieux dans le temple de Bel et à Palmyre. Non, on va reconstruire quelque chose qui va s'apparenter, je ne sais pas moi, à Las Vegas, où on peut aller voir effectivement Venise, ou en miniature, ou Paris en miniature. Bon, on a beaucoup employé un mot peut-être galvaudé de Disneyland, mais c'est vrai que c'est ce que l'on peut craindre le plus aujourd'hui sur le site de Palmyre. Moi, je préférerais honnêtement qu'on laisse tout dans l'état et que si l'on veut reconstituer le site, on le fasse virtuellement pour prendre la dimension historique du site dans son ensemble et pas seulement reconstruire un temple ici, une tour là pour attirer le touriste qui finalement ne verra que des monuments sans âme qui auront perdu toute leur patine, tout leur intérêt finalement. Donc moi je suis très inquiète sur ces projets de reconstruction et ce que je voudrais c'est que l'UNESCO soit beaucoup plus ferme vis-à-vis de ces projets. Mais c'est une instance internationale, l'UNESCO, elle doit négocier. Oui, qui ne reconnaît malheureusement que les États en place, que les régimes en place. Et donc, pour l'instant, ils sont un peu pieds et poings liés. Mais ils avaient créé en 2013 une liste, ils avaient mis en place une liste de spécialistes et d'experts pour l'ensemble du patrimoine syrien. Je crois qu'il serait opportun de relancer cela pour les différents sites, avec les différents spécialistes, pour que il y ait des projets communs sous l'égide de l'UNESCO, qui est quand même partie prenante dans cette affaire. Mais il faut rappeler qu'on ne fasse pas n'importe quoi et que ce ne soit pas que les Russes qui soient en charge d'un site dans lequel ils n'ont jamais mis les pieds. Et puis par ailleurs, effectivement, il y a toute cette question de l'arrêt des pillages, parce que pour l'instant, les pillages continuent chaque fois qu'un satellite passe au-dessus du site de Palmyre. Il y a un trou supplémentaire. Non, il y a une catastrophe annoncée là, à nouveau. Et donc, vous pensez que cette vision-là, parce qu'on pourrait vous dire aussi, c'est une vision occidentale, l'invention du patrimoine, c'est une invention occidentale datant en particulier de la Révolution française et donc des destructions de la Révolution française qui ont fait que certains se sont préoccupés de protéger ce qui allait s'appeler ensuite le patrimoine. Vous pensez que cela peut être partagé par des acteurs internationaux venant de partout? Absolument. Absolument. De toute façon, encore une fois, Palmyre a suscité l'intérêt de missions venant du monde entier. Donc, c'est bien la preuve que ce site avait un intérêt historique pour tout le monde. Et Palmyre fait partie du patrimoine de l'humanité. Il est en Syrie, mais il appartient à tout le monde. Et d'autant que la Convention de La Haye, qu'il faut rappeler, c'est de 1954, dit bien qu'il y est interdit d'utiliser des biens immeubles culturels à des fins militaires. Mais on a bien compris que ça n'a pas été le cas Sarajevo, dont on a parlé. On va parler demain, par exemple, et dans d'autres endroits. Non, mais on va vous dire qu'il y a un autre article qui dit que dans les cas de nécessité absolue, on peut effectivement investir les sites historiques et les monuments historiques. Donc, on vous renvoie ce petit article qui a été dans l'accord qui a suivi celui de La Haye, où il est bien précisé qu'en cas de nécessité absolue, on peut investir les sites historiques et éventuellement les détruire. Et vous pensez que cette mission que vous appelez de vos voeux, une mission d'experts internationaux sur ce patrimoine syrien, a des chances d'être missionnée à un moment, d'exister véritablement à un moment, ou est-ce qu'au bout du compte... De toute façon, pour l'instant, il y a beaucoup d'initiatives individuelles. Les Polonais sont déjà intervenus sur le site pour restaurer le lion d'Alat, justement. Il y a des Italiens qui ont également participé à la restauration des bustes funéraires à Damas. Il y a des gens qui sont assez collaborationnistes avec le régime syrien, qui ont déjà proposé leurs services pour expertiser un certain nombre de destructions. Moi, je trouve que tout cela devrait être beaucoup plus coordonné. Et, au niveau international. Et encore une fois, sous l'égide d'une instance qui est irréfutable dans ses missions de protection du patrimoine. Merci beaucoup, Annie Sartre-Fauria, d'être venue donc nous présenter votre travail et le travail de tous ceux et toutes celles qui, comme vous, s'intéressent à ce patrimoine syrien depuis longtemps. Je rappelle le livre que vous avez écrit donc avec Maurice Sartre, Palmyre, vérité et légende. C'était il y a 2 ans, donc chez Perrin, mais également Palmyre, la cité des caravanes. Donc c'était en découverte et Gallimard et Zénobie, bien évidemment, que vous avez écrit encore là aussi, voilà, avec Maurice Sartre. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Emmanuel Morse-Duncan était avec nous à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Demain, nous nous intéresserons à l'urbicide, une notion récente, mais qui traite justement de la mort des villes, et en particulier une notion qui a été développée au moment des guerres en ex-Yougoslavie. Mercredi, nous nous demanderons ce que l'on peut faire une fois la catastrophe annoncée, une fois qu'elle est intervenue. Est-ce que l'on peut justement dépasser la perte? Et jeudi, le documentaire que nous avons réalisé avec Thomas Duterre s'intéressera à la destruction totale, ou presque, du Musée National de Rio et de ses collections. C'est le documentaire de jeudi dans la Fabrique de l'Histoire.